travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Il avait des sourcils broussailleux, des yeux d'une vivacité extraordinaire, et puis une voix très rapide, et surtout un art de compter à chaque moment. Kipling faisait du Kipling. La moindre anecdote contée par lui devenait une nouvelle de Kipling. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque, et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis quelque temps, les historiens s'intéressent plus qu'auparavant aux relations intimes que leur discipline peut entretenir avec la fiction. Je n'entends pas par là l'intérêt qu'ils portent naturellement depuis toujours aux œuvres littéraires, théâtrales ou filmiques comme source pour la connaissance du passé. Il s'agit, selon une autre optique, de considérer la façon dont la fiction peut concurrencer l'historiographie, ou plutôt la compléter et l'enrichir dans sa mission exploratoire de ce passé. Comment elle peut y parvenir avec ses ressources, ses procédés et ses inspirations. J'y songeais en lisant le dernier livre de Pierre Assouline intitulé « Tu seras un homme, mon fils ». Cette formule fameuse signifie assez qu'il est question de Rudyard Kipling. L'ouvrage peut bien être défini sur la page de garde comme un roman, il n'en est pas moins nourri d'une connaissance intime du personnage, de son œuvre, de ses obsessions, de sa gloire et de sa destinée posthume. Pierre Assouline a signé au moins 9 biographies savantes sous une apparence plus classique, mais voici qu'il change de pratique. Nous allons donc réfléchir ensemble à ce que cette forme peut apporter de différent et d'enrichissant pour l'histoire. En l'occurrence, pour éclairer la vie d'un homme qui mérite qu'on examine à nouveau frais sa réputation dévorante de chantre raciste de l'impérialisme britannique, un homme dont la mémoire aurait été vouée à sombrer avec celui-ci. Que le monde dans lequel son œuvre s'est enracinée nourrit de bien des préjugés qui nous sont devenus détestables, que ce monde ait disparu, certes. Mais la vitalité des écrits de ce conteur hors de pair, qui ne cesse guère de ressurgir, y compris au cinéma, appelle un réexamen. Y entrer à partir du thème double de la paternité et de la filiation, comme mon invité nous le propose, voilà peut-être une façon bienvenue d'y contribuer. Et d'abord écoutons Maurice Genevoix qui nous parle depuis la profondeur du Panthéon à présent, un extrait d'une causerie sur Kipling et sur le livre de la jungle, les grandes conférences, 28 septembre 1953. Un monde où l'on pénètre comme dans un monde réel, avec ses paysages, ses horizons, ses lumières et ses ombres, ses odeurs, ses rumeurs, ses créatures, sa faune animale et humaine. Mais aussi, et c'est ce qui nous touche le plus profondément, même quand nous ne le savons pas, avec ces au-delà, ces prolongements indéfinis ou sans limite, le nimbe de fantaisie, d'invention, de vie secrète, et pour tout dire d'un mot, de poésie, qui exalte comme au-dessus d'eux-mêmes, je voudrais dire comme indépendamment d'eux-mêmes, les livres vraiment grands, nécessaires. Et j'entends précisément par là, tel que s'il venait à nous manquer, il nous manquerait du même coup à chacun, comme une part de patrimoine, un bien ou des richesses que rien ne pourrait remplacer. Je sais que Kipling est anglais. Je le saurais, même si je n'avais lu que ces deux livres de la jungle. Je sais aussi que dans sa patrie, on a d'abord salué en lui un barde, un héros sonore de l'Empire. Pour moi, qui ne suis pas anglais, je me permettrai d'avouer que la grande parade militaire qui termine le premier volume, cela s'appelle « Service de la reine », m'a semblé, et d'autres morceaux dans ce livre, m'a semblé ne rien avoir à faire dans cet univers merveilleux. que l'aisance souveraine du magicien le déserte alors tout à coup pour ne laisser qu'un homme de lettres, lui aussi en service commandé, même si le commandement c'est lui-même qui se l'est donné. Eh bien, cela aussi, c'est révélateur. Ces bœufs traîneurs de canons, ces chameaux et ces éléphants domestiqués, ces mulets porte-bas et ces chevaux de selle entonnant tour à tour leur couplet à la gloire de l'Empire avant de défiler aux accents de Bonnie Dundee, qu'ils s'en aillent et que nous revenions bien vite aux rives brûlées de la rivière Wainwoinga quand la sécheresse découvre chaque jour un peu plus l'échine bleue du roc de la paix et que Hati, l'éléphant sauvage, proclame enfin la trêve de l'eau. Vive le poète. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour Jean-Noël Jeannet. J'ai choisi cet extrait parce qu'il me paraît ramassé avec une éloquence du temps et celle de Genevoix qui est un maître de l'art radiophonique. Ramassé assez bien l'opposition entre les deux Kipling que la tradition a voulu perpétuer et que d'ailleurs vous évoquiez vous-même dès 2015 à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Kipling. Dans votre blog, La République des livres, c'était une première occasion d'en parler. C'est à ce moment-là que vous avez eu l'envie d'approcher Kipling sous cette forme nouvelle ? En fait, un livre, c'est toujours la rencontre entre quelque chose de très ancien, un désir de toute façon. C'est pas une idée, c'est toujours un désir très ancien, ancré, qui reste là, qui est récurrent, et puis quelque chose de récent. Bon, Kipling, comme tout le monde, j'allais dire, c'est un auteur que j'ai lu dans ma jeunesse, mais enfin que j'ai relu par la suite. Mais c'est aussi l'intérêt pour la guerre, la Première Guerre mondiale, qui m'a poussé à nouveau vers lui. Et puis aussi une réflexion qui est mienne depuis un certain temps déjà sur les rapports père-fils et sur la responsabilité d'un parent, en l'occurrence un père, mais ça peut être aussi une mère, vis-à-vis de son fils, mais ça peut être son enfant tout simplement, fils ou fille, peu importe. Votre livre est d'ailleurs dédié à mon père, Marcel Assouline, plus que jamais. Oui, parce que évidemment, c'est éclairé. Vous avez raison de citer cette adresse dans la mesure où ça éclaire toujours un livre. Et bien entendu, moi, mes rapports avec mon père qui ont été formidables, hein, mais qui étaient différents parce que c'était la Seconde Guerre mondiale qui l'a éclairé à lui. Et nous agréons cette brève notion autobiographique, Pierre Assouline. Et c'est très présent tout au long de ce livre. Et donc, la rencontre entre le souci ou l'intérêt pour la Première Guerre mondiale et le souci de la responsabilité paternelle et les relations père-fils, ça s'est rencontré à un moment et ça fait un flash. Bon, j'aurais pu écrire une biographie classique de Kipling, d'autant que, chose remarquable, il n'y a pratiquement rien sur Kipling en France, alors qu'il est très connu, bien entendu, mais il y a très peu de choses. Une bonne biographie tout de même de Charles Zorgbib. Oui, enfin, vous constaterez qu'elle est essentiellement géopolitique et que, quand même, il y a une ligne sur la mort de son fils en 400 pages. Donc, il était temps que vous saisissiez du sujet, mais oui, avec un peu d'autodérision par moment, puisque vous imaginez entre votre personnage inventé, Louis Lambert, et dialoguant avec Kipling, que Kipling lui dit « L'art de la biographie, comme ils disent, ce n'est rien d'autre que du cannibalisme supérieur. Les biographes d'écrivains, tous des ordonnateurs, des pompes funèbres. La vie d'un écrivain, c'est son œuvre et rien d'autre. » Vous avez été longtemps un ordonnateur des pompes funèbres, Pierre Assouline. Oui, je me suis permis de le citer. D'ailleurs, tout ce que je cite dans la bouche de Kipling, il l'a vraiment dit. Bien sûr, c'est là que vous organisez votre propos entre le vrai et l'inventé. C'est ce qui nous intéresse beaucoup ce matin. C'est en permanence, il y a une tension permanente. Bon, c'est un livre, évidemment, c'est un roman, c'est marqué roman dessus, mais c'est extrêmement documenté. J'ai choisi la forme du roman parce que... Disons que toute sa vie ne m'intéresse pas et que ça ne m'intéressait pas de faire une analyse, comme il aurait fallu le faire, de tout ce qu'il a écrit, de ses contes pour enfants, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre un moment de sa vie et à partir de là, d'expliquer la complexité du personnage. Parce que c'est un personnage extrêmement complexe. Et je pense que le roman permet de saisir ça. Il y a un poème de René Char qui m'a un jour éclairé là-dessus. Pas sur Kipling, mais sur cette tension entre les deux genres. Et à un moment, il dit dans un poème, les poètes recherchent des traces et les historiens recherchent des preuves. Aux uns, l'exactitude, les historiens, aux autres, la vérité, les poètes. Oui, oui, oui, mais enfin, en vérité, nous savons bien, les historiens, que c'est aussi une discipline d'imagination, l'histoire, puisque nous avons à remplir tous les vides entre les traces dont vous parlez. Oui, mais il faut le faire quand même avec des archives, avec des sources. Alors que l'écrivain, quand il invente un personnage, je me suis permis de le faire avec mon narrateur, Louis Lambert, pour être libre, totalement libre, il invente à partir de rien. Non, alors, non, pas à partir de rien, vous venez de me dire que votre livre est très documenté de fait. Il est documenté, oui, mais mon personnage de Louis Lambert n'a jamais existé. Bien sûr. Et donc, évidemment, j'ai projeté des choses très personnelles à travers lui, puisque c'est lui qui raconte l'histoire. Mais c'est cette tension entre vérité et exactitude, entre les preuves et les traces, qui permet de faire un roman qui est ancré dans l'histoire. En même temps, vous venez de parler de votre propre exactitude quant aux sources que vous avez utilisées. Alors, j'ai lu toute la bibliographie anglaise, qui est énorme, comme vous l'imaginez. En France, donc, très peu de choses, très très peu de choses. Et il n'y a pas ce que j'appelle, moi, la biographie de Kipling. Elle n'existe pas en français. Et chose curieuse, ça n'a pas été traduit de l'anglais. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs qui sont excellentes, hein, vraiment. Je crois que tous les 5 ans, il y a une grande biographie de Kipling qui paraît en Angleterre ou aux États-Unis. Et jamais un éditeur français n'a pensé à en traduire une. Bon, ça, à la limite, peu importe. Mais alors, chose curieuse, ça je l'imaginais pas au début de mes recherches, ce qui m'a le plus servi, ce ne sont pas les biographies, c'est essentiellement les 6 volumes de la correspondance générale de Kipling paru aux États-Unis, publié par une université et par un universitaire, travail remarquable en 5 ou 6 volumes, avec des notes partout. Et dans cette correspondance, il dit des choses qu'il ne dit nulle part ailleurs. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Les correspondances d'écrivains ont toujours été de grande importance. On vient de publier 3 volumes de passionnantes correspondances de Tocqueville, par exemple, chez Gallimard. Oui, vous avez raison, sauf qu'il y a des correspondances qu'on ne retrouve pas. Et puis, vous avez beaucoup de correspondances, je suis désolé, qui parlent beaucoup de choses totalement anodines. Hein. Mais il faut choisir à l'intérieur, évidemment. Oui, bah, écoutez, Kipling, c'est rarement le cas. Kipling, c'est incroyable, sa correspondance, c'est d'une richesse. En fait, il écrit ses lettres comme s'il écrivait un livre, avec le même soin, avec des détails incroyables sur sa vie privée, sur sa vie intime, alors que il était extrêmement jaloux de sa vie privée. Il avait vous avez cité le passage sur les biographes. Pour lui, c'est les paparazzi, les biographes. C'est l'équivalent. Donc, il a passé son temps à se protéger des journalistes, des biographes, de tous les indiscrets possibles imaginables. Il a brûlé ses propres archives. Heureusement, les correspondants gardaient. Mais il brûlait tous les jours. Ce qu'écrivait Kipling gardait ses lettres. Dans son rituel de vie quotidienne, il était avec sa femme à la campagne, donc retiré très loin de tout le monde. Tous les soirs, en fin de journée, quand il avait fini de travailler, il brûlait la corbeille à papier. En vous écoutant, je suis frappé de ce qu'il n'y a pas. Vous le démontrez, c'est pourquoi je vous invite comme romancier autant que comme biographe. Il n'y a pas véritablement de solution de continuité. Ça surprendra peut-être certains de nos collègues historiens, entre l'historiographie et le roman, se saisissant de l'histoire comme une matière à partir de laquelle organiser le talent, l'invention, l'imagination, l'œuvre. Oui, mais le roman permet de dire des choses sur un homme, qui a existé bien sûr, permet de dire des choses que jamais l'historien ne pourra dire. L'historien ne peut pas tout s'autoriser. Bien sûr qu'il remplit des blancs, bien sûr qu'il comble des trous, il interprète, bien entendu, c'est un travail de reconstruction, vous savez mieux que personne, mais il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre. J'ai écrit mon premier roman il y a 25 ans, La Cliente, parce que je venais de publier la biographie de Georges Simenon, qui faisait 800 pages, avec 1000 notes, qui étaient extrêmement documentées. On pouvait pas imaginer plus. J'avais écumé toutes les archives possibles, imaginables, dans plusieurs pays. Eh bien, je l'ai écrite parce que, à un moment, j'étais confronté au problème des relations entre Simenon et sa fille. Et ça, il n'y avait pas de source. Et j'ai trouvé des sources à un moment, des sources orales, un psychiatre qui m'a renseigné en me disant « Je vous le dis pour votre gouverne, mais vous ne donnez pas mon nom, vous ne me citez pas, etc. » Et donc là, je me suis dit, pour comprendre les relations entre cet homme et sa fille, il faut aller du côté de la fiction, parce que le roman, la fiction, c'est le lieu absolu de la liberté d'expression. On peut tout faire, Ce n'est pas le cas de l'histoire. Mais c'est aussi une manière, à mes yeux, complémentaire de restituer ce qui fut passé. C'est vrai aussi du théâtre, c'est vrai du cinéma. J'observe d'ailleurs que votre personnage, vous l'avez appelé Louis Lambert, et tous les Balzaciens vont lever le sourcil. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, mais très sincèrement, c'est l'inconscient qui a parlé. Ah bon ? Oui, en fait, parce que je l'avais appelé autrement, je l'avais appelé Louis Picard. Je voulais un nom qui est, à l'époque, donc vers le début du siècle, qui soit un nom français à consonance israélite. Parce que Picard est un nom à consonance israélite. Eh bien, j'étais parti là-dessus, et quand j'ai rendu mon manuscrit à mon éditeur, c'est Antoine Gallimard lui-même qui m'a dit « C'est pas une bonne idée parce que ton livre va sortir en même temps que le J'accuse de Polanski, avec Picard comme héros, et ça va troubler les gens, ils vont rien comprendre. » Avec la bonne biographie de Christian Vigouroux également, qui est reparue notamment, cette occasion. Notamment. Et donc, j'ai décidé de le changer, et j'ai pris un autre nom, très français, mais aussi à consonance israélite, qu'est Lambert. Et vous n'avez pas pensé à ce moment-là qu'il s'agissait de ce livre important de oui, bien Balzac, sûr, bien qui précisément s'installe à la rencontre entre la réalité et l'onirique. C'est l'inconscient qui a parlé. Il est éloquent, comme vous le savez. Comme il a parlé chez Louis Lambert. Alors cette question de Kipling vue comme double, il faut que nous y revenions, telle que après d'autres ou avant d'autres, Maurice Genevoix l'a défini. D'un côté, l'homme de l'impérialisme, à qui on a tellement reproché d'avoir parlé des races inférieures, de la nécessité de dominer les colonies, etc. Et de l'autre, l'aspect, onirique, qu'on rencontre probablement, dont on trouve la trace dans son enfance indienne. Écoutez donc la façon lui-même en parle, puisqu'il a été élevé à Bombay, à Lahore, son père étant fonctionnaire et étant à l'époque conservateur du musée de Lahore. Écoutez la manière dont il en parle lui-même, c'est un extrait de ses souvenirs, un peu de moi-même, pour mes amis connus et inconnus, un livre qui est paru après sa mort en 1936. Ma première impression, c'est de l'aube, de la lumière et de la couleur et des fruits dorés et violets à hauteur de mon épaule. Souvenir sans doute de promenade matinale au marché aux fruits de Bombay, avec mon Aya et plus tard avec ma sœur dans sa voiture, et de nos retours avec nos achats entassés haut sur l'avant de celle-ci. Notre Aya, portugaise catholique, priait, et moi-même à ses côtés devant la croix du chemin. Mita, mon porteur hindou, entrait quelquefois dans de petits temples hindous où, trop jeune pour compter dans aucune caste, je lui tenais la main en considérant dans la pénombre des dieux amicaux. Nos promenades du soir se passaient près de la mer, à l'ombre de petites palmeraies qu'on appelait, je crois, le bois de Mahim. Quand le vent soufflait, les grosses noix dégringolaient et nous fuyions, mon Aya et ma sœur dans sa voiture, vers la sécurité du ciel ouvert. J'ai toujours été sensible à l'obscurité menaçante des soirées tropicales, comme j'ai aimé la voix des vents nocturnes à travers les palmes ou les feuilles de bananiers et le chant des grenouilles arboricoles. Il y avait aussi des gros crabes de haute mer sur les eaux de perles et des paris vêtus de couleurs vives qui s'éloignaient du rivage en pataugeant pour adorer le soleil à son coucher. De leur croyance, je ne savais rien. Dans les chaleurs de l'après-midi, avant la sieste, notre Aya nous disait des histoires et des chansons de nourrice indienne qui ne devaient jamais s'effacer de ma mémoire. Je ne connais pas, Pierre Assouline, le nom du lecteur, mais c'est une archive extraite de l'émission « L'homme aux yeux multiples » de Nadine Lefébure qui remonte à novembre 1965. Il y a là un creuset de ce qu'a été Kipling, l'enfance, avec un contraste violent avec les années qui ont suivi dans la dureté de la Grande-Bretagne où il a été en quelque sorte exilé par ses parents. En fait, il n'y a que les Français pour croire qu'il y a deux Kipling. Parce que quand j'en parle avec mes amis anglais, et même à l'époque déjà, à l'époque de Kipling, ça se disait, les Anglais disaient, les Français ont une vision biaisée de Kipling, parce qu'ils voient en lui, évidemment, le magnifique conteur, le poète, etc. Et c'est vrai qu'il était cela, et qu'il était aussi un francophile très, très convaincu. Il faudra y venir. Et que, oui, on va en reparler, et qu'il disait toujours, la France, c'est un pays merveilleux d'artisans, de vignerons. Il avait une vision un petit peu idyllique de ce pays. Chacun caricature un peu l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Anglais disent, vous n'avez jamais entendu parler de politique. Vous ne lisez pas ces articles dans le Times, vous n'avez pas assisté à ces meetings politiques, parce que si ça avait été le cas, l'image un peu édénique et idyllique que vous avez du poète, elle tomberait d'un coup, car il est d'une violence incroyable. Alors donc, cette double image, pour les Anglais, elle n'existe pas. Il n'y en a qu'une, c'est un tout avec des contradictions. Pour les Français, il n'y a qu'un aspect de Kipling qui est connu. C'est celui du poète. Moi, j'ai essayé. Mais aussi l'impérialisme et aussi la violence. Oui, mais les discours impérialistes de Kipling, qui les a lus en France, vraiment, je parle depuis sa mort, à l'époque, c'était un peu différent, et encore, je ne suis même pas sûr. Il n'en veut pas au système d'éducation britannique, au niveau des premières années très dures, en contraste avec la douceur de l'Inde et de sa petite enfance. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, il est né donc à Bombay, il a passé ses premières années, c'était le paradis, hein. Il a très très bien vécu, c'était avec des employés indiens qui s'occupaient de lui sans arrêt, lui et sa sœur. Laïa, ça veut dire la nounou, c'est un mot qui vient du Portugal par Goa. Oui, c'est arrivé jusqu'en Inde. Et pour lui, c'était, voilà, avec des parents aimants, enfin bon. Son père était conservateur de musée, il était peintre lui-même et sculpteur. Et puis, là, à 6 ans, c'est la catastrophe. La catastrophe, c'est que il y a une tradition, en tout cas, il y avait à l'époque, chez les fonctionnaires coloniaux, d'envoyer leurs enfants en Angleterre pour faire leur éducation. Donc en général, soit dans un collège, soit dans une famille. Et tout d'un coup, sans vraiment qu'il ait d'explication, lui, à 6 ans, avec sa petite sœur Alice, dite Trix, se retrouve à Portsmouth, dans une famille, chez un assez modeste, chez un capitaine de bateau à la retraite, très gentil. Mais sa femme est affreuse. Est une mégère insupportable, et son fils, qu'elle adore, est un tyran. Et lui, Kipling, se retrouve à 6 ans, c'est quand même de l'âge de 6 ans à 12 ans, c'est long, 6 hein, années, à subir la violence, la méchanceté, la perversité de cette femme et de son fils tout le temps. Mais ce qui est extraordinaire, c'est, pour lui, c'est un cauchemar. La maison de la désolation. Voilà. Par la suite, il va y avoir des textes intitulés « La maison de la désolation », il en parlera toujours comme ça. Mais ce qui est formidable, c'est la capacité de résilience qu'il a faite. Parce que, avec le recul, il dira, c'est là que je suis devenu écrivain. Pourquoi? Ou plutôt romancier et conteur. Pourquoi? Parce que, disait-il, très, très vite, au bout d'un an, j'ai compris qu'on allait m'interroger tous les soirs à table, on allait me poser des tas de questions. Et si je ne répondais pas de manière bienveillante ou intéressante pour eux, je prenais des coups de martinet, des coups de ceinture, des coups de trick, tout y passait. Il disait, je me suis fait à l'idée qu'il fallait absolument inventer. Comme le petit éléphant, d'ailleurs, des histoires comme ça qui ont nourri notre enfance, qui, avant que sa trompe grandisse, se fait taper dessus par tous les autres animaux de la jungle. L'imagination débordante, très prolifique de Kipling, elle vient de là. De 6 à 12 ans, il a passé ses nuits à inventer des histoires, des mensonges, évidemment, qu'il a servi le lendemain à table, parce qu'on lui demandait de raconter ce qu'il ne voulait pas raconter. Et donc, il a totalement sublimé des réalités qui étaient pour lui atroces. D'autant plus qu'on lui interdisait de lire. On lui interdisait tout. Non, mais c'était terrible. Il lisait Robinson Crusoe en cachette. Oui, et d'autres livres encore. Et donc, c'est là qu'il s'est construit, de 6 à 12 ans. À 12 ans, il est retourné en Inde. Et là, il a fait sa scolarité, mais elle s'est interrompue assez rapidement. Lui, il aurait voulu être militaire, ce qui explique pas mal de choses par la suite vis-à-vis de son fils. Il aurait voulu être un soldat, défendre l'Empire, mais il était affligé d'une myopie terrible. Et puis, ses parents n'en avaient pas les moyens financiers parce que les écoles étaient très chères. Et donc, finalement, il s'est retrouvé très jeune, en dehors du système scolaire. Et à l'âge de 19-20 ans, on lui a trouvé un job dans un journal à Lahore. Et là, pour lui, ça a été une révélation. Parce que tout de suite, non seulement il est devenu un journaliste de manière intuitive et instinctive, et il a très bien réussi comme tel, mais surtout, on lui a demandé d'écrire des contes. Pour les chemins de fer, d'ailleurs, pour pouvoir les lire. On les vendait dans les kiosques des gares indiennes. Et là, il a fait merveille. Et alors, c'est à l'origine de son grand succès, qui est le Livre de la jungle. Il faut qu'à un moment donné, Pierre Assouline, nous entendions la voix même de l'écrivain. Je la confie à Guillaume Gallienne. C'est un extrait de son émission « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter, le 24 décembre 2011. Un jour, le clan de la jungle se réunit pour décider du sort d'Akela, le meneur des loups, mais surtout de Mowgli, dont la présence inquiète Shere Khan, le redoutable tigre. Conscient du danger, Mowgli est venu avec du feu, sa seule arme pour se défendre. Lorsqu'ils furent tous rassemblés, Shere Khan prit la parole. Le petit homme a vécu trop longtemps. Peuple libre, il fut ma proie dès le commencement. Donnez-le-moi. J'en ai assez de cette dérision d'homme-loup. Il a troublé la jungle pendant 10 saisons. Donnez-moi le petit homme, ou bien je chasserai toujours par ici et ne vous laisserai pas un os. C'est un homme, un enfant d'homme, et dans la moelle de mes os, je le hais. Alors, plus de la moitié du clan hurla. Un homme ? Un homme ? Qu'est-ce qu'un homme peut avoir à faire avec nous ? Qu'il s'en aille avec ses pareils ? Non, non, donnez-le-moi. C'est un homme et nul de nous ne peut le fixer dans ses yeux, dit Shere Khan. Alors Akela dressa la tête et dit « Il a partagé notre curé, il a dormi avec nous, il a rabattu le gibier pour nous, il n'a pas enfreint un seul mot de la loi de la jungle. Nul petit homme ne doit courir avec le peuple de la jungle !» rugit Shere Khan. « Donnez-le-moi !» Mowgli se leva, le pot de braise dans les mains, puis il s'étira et bâilla au nez du conseil. Mais il était plein de rage et de chagrin, car en loup qu'ils étaient, ils ne lui avaient jamais dit combien ils le haïssaient. « Écoutez, il n'y a pas besoin de criailler comme des chiens. Vous m'avez dit trop souvent cette nuit que je suis un homme. Je sens la vérité de vos paroles. Aussi, je ne vous appelle plus mes frères, mais Sag, les chiens, comme vous appellerez un homme. » Il jeta le pot sur le sol et quelques charbons rouges allumèrent une touffe de mousse sèche qui flamba, tandis que tout le conseil reculait de terreur devant les sauts de la flamme. Mowgli enfonça la branche morte dans le feu jusqu'à ce qu'il vit des brindilles se tordre et crépiter. Puis il la fit tournoyer au-dessus de sa tête, au milieu des loups qui rampaient de terreur. « Bien, » dit Mowgli, « je vois que vous êtes des chiens. Je vous quitte pour retourner à mes pareils, si vraiment ils sont mes pareils. La jungle m'est fermée. Je dois oublier votre langue et votre compagnie. Mais je serai plus miséricordieux que vous, parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang. Je promets, lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi. » Il donna un coup de pied dans le feu et les étincelles volèrent. Alors Mowgli commença de sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même, quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour. Il reprit haleine et sanglota, et les larmes coulèrent sur son visage. Un extrait donc, Pierre Assouline, du Livre de la jungle, premier volume. Il reflète assez bien une tension entre la présence de l'homme et le rêve des animaux qui sont à vrai dire eux-mêmes un peu anthropomorphiques. Oui, et puis il y a toute la dimension fantastique, le merveilleux, qui est la signature de Kipling. En écoutant Guillaume Gallienne, des choses me viennent à l'esprit, c'est que d'abord l'extraordinaire fluidité du récit, et ça reflète bien la facilité avec laquelle il écrivait. On peut pas juger comme ça en lisant quelqu'un, un écrivain quel qu'il soit, s'il y a de l'effort ou pas. En principe, l'effort est gommé. Mais on sait, parce qu'il en a témoigné lui-même par la suite, mais aussi par d'autres, la facilité avec laquelle il écrivait. Ça ne sent jamais l'huile. Non, dès l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que on lui commandait des contes, il fournissait. Et c'était remarquablement fait. C'était du premier jet, il y avait très peu de corrections. Il y a une très grande concentration. Le lexique de Kipling est très riche. Il faut le lire en anglais pour bien voir à quel point c'est un vocabulaire qui est profond, qui est varié. Vraiment, c'est un écrivain, c'est pas uniquement un auteur jeunesse. Alors, en l'écoutant, moi, ça me renvoie non pas à des livres, mais à une photo. Une photo que j'aime beaucoup, c'est sur le pont d'un paquebot, peu importe lequel. Kipling est assis en tailleur, par terre, enfin sur le pont, et autour de lui, il y a une dizaine d'enfants assis en tailleur. Et ils sont captivés parce qu'il leur raconte des histoires. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vient d'entendre. Cette fascination qu'il exerçait sur les enfants, dont beaucoup ont témoigné par la suite, Ça, c'est sa signature. J'en profite pour dire aux auditeurs de toujours dire aux jeunes que contrairement à ce qu'ils croient, eux, les jeunes, le livre de la jungle, l'auteur, ce n'est pas Walt Disney, c'est Kipling. Car pour la plupart, l'auteur, c'est Walt Disney, vous savez. Oui, mais ça, c'est la postérité dont un auteur n'est pas vraiment maître. Oui, mais il faut toujours revenir à ça. Et puis, pour ce qui est de la narration, de la fluidité, il faut rappeler aussi une chose. On cite toujours le livre de la jungle, histoire comme ça, on cite Kim à juste titre. Pour moi, c'est avant tout un très grand poète qui n'est pas connu en France, car sa poésie n'est pas tellement traduite. Évidemment, il y a des Pléiades. Mais sa poésie, qui est très nombreuse, elle est très abondante, elle n'est pas tellement traduite. Et puis surtout, c'est un remarquable nouvelliste. Pour moi, à la même époque, il est l'équivalent pour la langue anglaise, en tant que nouvelliste, de Pirandello pour la langue italienne. Ces volumes de nouvelles se relisent aujourd'hui avec la même intensité. Il n'empêche que pour beaucoup de Français, de fait, c'est par le truchement des histoires comme ça, oui, Just So Stories, qu'ils ont accédé à... Et après tout, ce n'est pas injuste. Rappelez-vous, le papillon qui tapait du pied, le crabe qui jouait avec la mer, le chat qui s'en va tout seul. Comment le chameau eut sa bosse, etc., etc. Et il faut dire aussi que le succès de l'écrivain est venu aussitôt. C'était très bien traduit par Dumière. Robert Dumière, oui. Mais à l'âge de 25 ans, Kipling, écrivain, était célèbre partout dans le monde de la langue anglaise et même au-delà. Célèbre, il était fêté, il n'a jamais cessé de vendre énormément de livres. C'est un homme qui s'est beaucoup enrichi, exclusivement par ses livres. De Rolls-Royce en Rolls-Royce. Oui. Et puis, il faut pas oublier, très vite, les grands écrivains, la Doube, a commencé par un des plus grands à l'époque, notamment dans l'art de la nouvelle, Henry James, qui a flatté le jeune Kipling tout de suite. Et puis, tout ça a été consacré très tôt par quand même l'attribution du prix Nobel de littérature en 1907. Kipling est le premier auteur de langue anglaise nobélisé. Il y a un homme qui ne l'aimait pas, et est intéressant d'ailleurs de le rappeler, c'est Oscar Wilde qui disait « Kipling qui a de superbes éclairs de vulgarité », vous le citez dans votre livre, Pierre Assouline. « Kipling, notre première autorité sur ce qui est de second plan ». Oui, mais moi j'adore les mots d'Oscar Wilde, surtout quand ils sont injustes et cruels, et là c'est le cas. Il y a un autre écrivain qui a détesté Kipling pour des raisons politiques, c'est George Orwell. Et il a écrit un article qui a fait un bruit terrible à l'époque et qui est resté, enfin qu'on cite tout le temps à propos de Kipling. Et Orwell a été très dur. Enfin, Orwell, un évidemment, prophète. Politiquement, était totalement aux antipodes de Kipling. Un prophète de l'impérialisme. Ben oui, mais... Oui. Oui, alors il faut en dire un mot tout de même, parce que si nous réfléchissons à l'actualité de Kipling, décevait ou pas, ce matin avec vous, Pierre Assouline, il faut se demander si cet aspect de son personnage contribue à le plomber dans la mémoire collective. Ou si, alors, oui. Il est celui qui écrivait tout de même, quoi qu'il advienne, nul ne doit transgresser les limites de sa caste, de sa race et de sa condition. Il faut quand même rappeler tout de suite, pour que ce soit clair, Kipling a été dès le début et jusqu'à la fin de sa vie ultra-conservateur, antisémite, anti-parlementaire, anti-démocrate. Assez misogyne. Anti-communiste. Assez misogyne parce qu'il était assez misanthrope. Et les femmes faisant, selon lui aussi, tout de même partie de l'humanité, c'était dans le lot. C'est un homme qui vivait en dehors du monde, vous savez. Il était fêté par tout le monde en Angleterre, mais il a refusé toutes les décorations. Et il vivait tout le temps, pratiquement tout le temps à la campagne. Pas après la guerre. Après la guerre, il reçoit beaucoup d'hommages, de doctorat honoris causa, etc. C'est juste, c'est juste les doctorat honoris causa. Mais quand je dis les décorations, c'est ce qu'on appelle les hochets de vanité. Il les a toujours refusés. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Alors l'impérialisme, il faut s'y arrêter un instant. À bon escient, vous parlez de Kipling comme poète. Il y a ce fameux poème Recessional qui mérite qu'on en dise un mot. Oui, il ne faut pas oublier que Kipling, non seulement a toujours été un grand chantre de l'Empire britannique, mais il a été sur le terrain aussi. Et le premier terrain où il a été, lui, il venait d'Inde, Et donc il était déjà sur place, il était dans le motif, si je puis dire. C'est la guerre des bourgs, très important. Au début du XXe siècle. Oui, donc c'est entre 1899 et 1902, il y a eu deux guerres des bourgs. En Afrique du Sud. Et il y était. Il y était pour soutenir son ami Cecil Rhodes, mais aussi surtout Star Jameson. Et en fait, certains de ses poèmes les plus connus ont été inspirés par Star Jameson, qui est un homme qui a lancé une offensive contre les bourgs, contre la révolte des bourgs vis-à-vis de l'autorité de l'Empire britannique. Qui sont d'origine hollandaise. Bien sûr, et aussi des bourgs d'origine néerlandaise et aussi des descendants des Huguenots français qui avaient été exilés en Afrique du Sud. Et Kipling, là-dessus, était intransigeant. Il n'était pas question d'accorder la moindre autonomie à ces gens par rapport à l'Empire britannique. Le jeune Winston Churchill se bat, là, d'ailleurs, dans les rangs de l'armée britannique. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi la question de l'Irlande. On est un peu sidéré aujourd'hui de voir la violence avec laquelle il a défendu, et sous notre regard actuel, évidemment, ça prend une couleur particulière, il a défendu la présence des Britanniques en Irlande, la domination, en vérité, sur l'île. C'était l'époque de ce qu'on a appelé le Home Rule. Et le Home Rule visait à accorder une certaine autonomie interne aux Irlandais, mais là, il s'y est mis vent debout contre toute possibilité d'autonomie pour l'Irlande. Alors évidemment, il s'est joint aux unionistes, à ceux qui étaient favorables au maintien absolu de l'Irlande dans l'Empire britannique. Mais évidemment, ça a fait un scandale, parce qu'il a été à sa façon, il l'a fait à sa façon, en écrivant des articles dans le Times, parce qu'il avait une colonne dans le Times chaque semaine où il avait toute liberté de s'exprimer. Là, évidemment, il a dit le Home Rule, pas question, etc. Mais surtout, il était tellement violent et il avait tellement de mal à contrôler sa violence qu'il s'en est pris à un homme politique irlandais qui était en train de mourir d'un cancer. Et il l'a fait dans des termes qui dépassent la décence. Donc, c'est ça aussi Kipling. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout de contrôle, qui n'avait pas de limite. La plupart des conservateurs du Parti conservateur, quand il l'invitait à un meeting, craignait beaucoup ses débordements, craignait beaucoup ses dérapages. Pourtant, ils étaient du même bord. Mais ils se demandaient à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer si jamais il va trop loin? Parce qu'évidemment, toute la presse était dans les meetings et rapportait les propos de Kipling au micro. Et c'est là qu'il faut que nous en arrivions, Pierre Assouline, à Kipling pendant la Grande Guerre, ce qui est un moment essentiel. Il a une attitude à l'égard du combat assez ambivalente. La guerre, dit-il, est un drôle de truc, un croisement du poker et de l'école du dimanche. Tantôt c'est le poker qui surnage, tantôt l'école du dimanche, mais le plus souvent le poker. Oui, alors. On va dire qu'il cite Erasme qui disait que la guerre est douce surtout à ceux qui l'ignorent. C'est aussi une citation de lui-même. Il aimait beaucoup citer, notamment en latin, Horace, Cicéron et quelques autres, parce que c'était un, comme vous d'ailleurs, hein, un fou de latin et de sagesse antique. À propos de ce qu'il disait sur la guerre, je voudrais quand même rendre justice à Kipling sur ce point. Il était anti-tout, comme on l'a dit, mais il était surtout germanophobe. Et ça, c'est important, très important, parce qu'il l'était avant la Première Guerre mondiale. Il l'a été entre les deux guerres. Je rappelle qu'il est mort en 1936. Mais il n'a jamais cessé d'exprimer un sentiment anti-allemand d'une violence telle que ça confinait vraiment au racisme. Toutes ces dénonciations de l'Allemagne dans les années 1910, il était un des rares à les faire de manière aussi violente. Bien entendu, après la Première Guerre et la mort de son fils, alors là, ça s'est décuplé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passait donc dans les années 20, et les années 30, à un moment où l'Angleterre était dominée par la politique de l'apaisement, et lui était un des rares, une espèce de Cassandre fou furieux, à prendre la parole pour dire « Ne vous fiez jamais à la race allemande. C'est une sous-race qui ne rêve que d'une chose, c'est d'asservir l'Europe. Et vous êtes en train de vous désarmer, alors que eux ne vont pas tarder à se réarmer. Ils le font déjà. » Arrêtez d'être coupable pour le traité de Versailles, on a eu raison d'occuper la Ruhr, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est lui qui va appeler les Américains à ne pas exiger le paiement des dettes, puisque les Allemands ne payent pas les réparations. Cet écrit, dit-on, je crois que c'est vrai, a été à l'origine du dernier voyage de Clémenceau aux États-Unis. Clemenceau, qui aimait beaucoup Kipling, qu'il appréciait peut-être à cause de cette germanophobie notamment, il lui a envoyé directement un exemplaire de son Démosthène, écrit pour son grand amour, je parle de Clemenceau, pour Marguerite Beldensperger. Il l'envoie à Kipling, on le voit dans sa correspondance. C'est donc là que peuvent se rencontrer ces deux personnages. Admiration réciproque. Oui, oui. Oui. D'ailleurs, qui nourrit aussi d'une affection pour la France, qui est un autre élément sur lequel il faut qu'on s'attarde un instant, parce que quelquefois, certains ont dit qu'il avait peint les Français en singes dans le livre de la jungle, avec dérision. C'est une légende. Oui, mais enfin, moi, ça, je l'ai pas vu. On l'a beaucoup écrit. En tout cas, ce que j'ai vu surtout, c'est qu'il a un amour de la France qui est illimité. Hein. Il l'exprime non seulement dans des articles en permanence, parce que c'est un homme qui sillonne beaucoup. D'abord, il passe toutes ses vacances en France et pour aller sur la Côte d'Azur, il y va en voiture depuis l'Angleterre. Et donc, il sillonne en permanence une ou deux fois par an, au minimum, la France. Soit en moto, soit surtout en voiture. Il publie des souvenirs de France, d'ailleurs, en 1933, peu avant sa mort. Oui. Et donc, je dirais pas qu'il connaît très bien les Français, mais il les aime d'amour et ses lettres en témoignent. Non, ce qui est intéressant, c'est que plus il aime les Français, plus il a la haine des Allemands. Il y a en 14-18, l'un de ses poèmes, qu'on lui a beaucoup reproché, c'est un poème magnifique, mais cruel, dans lequel il raconte qu'une femme, une Anglaise, voit tomber dans son jardin un parachutiste allemand. Et elle s'approche de lui, elle a de l'eau, une bouteille d'eau à la main, parce qu'il est en train de râler, il est en sang, il implore de l'aide, et elle montre de l'eau et elle ne lui donne pas, mais surtout, elle fait en sorte de le laisser crever. Alors la guerre, c'est aussi le moment paroxystique des relations entre Kipling et son fils. Et nous revenons à ce que nous évoquions au début de cette conversation, Pierre Assouline. C'est quelque chose qui est central pour Kipling et qui explique l'émergence de ce très fameux poème qui donne son nom à votre roman, roman fondé sur l'histoire. « Tu seras un homme, mon fils », ce poème qui s'appelait « If » en anglais, qui a été pour la première fois traduit par André Mauroy dans son livre « Les silences du colonel Bramble » juste après la guerre. Et c'est cette traduction qui a été largement remise en cause par vous notamment. Je voudrais que nous y attardions un instant. Mais d'abord, écoutons André Mauroy. Il est lu ici par Jean David, de la Comédie française, en public. C'est un extrait de « La joie de vivre » d'Henri Spade et Robert Chazal, le 17 avril de l'an de grâce 1955. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haïsse sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu sais être dur et jamais en rage, si tu sais être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Dans votre livre sur lequel nous fondons cette conversation, Pierre Assouline, Louis Lambert, où je crois pouvoir, nous le disions, retrouver l'auteur, proteste et propose une autre traduction. Expliquez-nous pourquoi cette version d'André Mauroy, qui est la plus célèbre, qui a l'avantage d'être fondée sur des alexandrins et des octosyllabes, ce qui est bon pour servir la mémoire. En quoi cette traduction vous indigne ? Elle m'indigne parce que, bon, c'est celle que tous les Français connaissent, hein, de toute façon. Et elle fait autorité alors qu'elle est totalement contrefaite. La première chose, il y a des erreurs de traduction. Bon, ça arrive à tout le monde. Surtout à la fin. Mauroy, oui, pas seulement. Mauroy était pas angliciste, mais enfin, il était anglophile. Et puis, c'était pas son métier. Mais en tout cas, il y a des erreurs de traduction. Il y a des contresens. Il y a des vers qui ne sont pas à la bonne place. Mais surtout, il y a un quatrain qui n'est pas de Kipling. Contresens lequel, alors ? Il y en a plusieurs, mais il faudrait rentrer dans le détail. Mais surtout, il y a un quatrain qui est de Mauroy. Ce qui est intéressant... C'est le dernier. Le dernier, globalement. Ça en fait un poème de domination, de force, de puissance. Alors que If, c'est un poème de sagesse. Seront tes esclaves soumis. Ben, c'est pas du tout ça. C'est pas ça qui est dans le poème original. Et donc, j'étais comme tout le monde. Je pensais que le poème de Mauroy, c'était du Kipling. Et évidemment, pour écrire ce livre, j'ai tout repris. Et là, j'ai découvert qu'il y avait notamment des traducteurs français de l'anglais qui se sont intéressés à cette histoire et qui ont fait des analyses et qui ont analysé mot à mot ce qu'avait fait Mauroy. Et évidemment, alors quand on en a parlé à Mauroy, même en son temps, il a dit « Ah oui, d'accord, mais j'ai adapté à ma façon ». Oui, effectivement, il a très librement adapté, mais il a trahi. Et là, on est vraiment dans la trahison, puisque, encore une fois, c'est un poème de sagesse. Donc je l'ai retraduit, bien entendu. Eh bien, le dernier quatrain, voilà comment Louis Lambert, Pierre Assouline s'oppose ou corrige André Mauroy. « Si chacun compte pour toi, mais aucun ne compte trop, si tu peux remplir la minute inexorable de 60 secondes de chemin parcouru, à toi la terre appartient et tout ce qu'elle contient, et mieux encore, tu seras un homme, mon fils. » L'homme, le fils, il a existé. Il a existé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, le poème a été écrit avant la guerre, et pas spécialement vis-à-vis de son fils. Enfin, c'est un peu accablant pour lui. Mais c'est devenu ensuite un poème par rapport à son fils. Son fils s'appelait John, était un garçon adorable. En 1914, il avait 17 ans et demi, à peine, 18 ans. Il l'aimait beaucoup, ils avaient de très bonnes relations, mais en fait, il s'intéressait qu'à deux choses, la moto et le sport. Mais il était frêle, en fait, il aimait beaucoup le sport. Aussi myope que son père. Mais il avait hérité de la myopie de son père, et il était très, très peu doué pour les études. Son père s'est projeté en lui, comme ça arrive, et ne lui a pas demandé son avis, et lui a dit « tu seras un grand soldat ». Et donc, tu seras évidemment dans la marine royale, qui est l'arme aristocratique par excellence. D'abord, l'école militaire n'en a pas voulu, parce qu'il avait même pensé carrément à l'inscrire à Sandhurst, ce qui était quand même d'une prétention inouïe. Sandhurst, c'est le Saint-Cyr britannique. C'est le Saint-Cyr britannique, mais il n'avait absolument pas le niveau scolaire, pas les aptitudes universitaires ou scolaires ou intellectuelles. Et donc, il a baissé ses prétentions, et là-dessus est arrivée la guerre. Donc, il a dit, c'est le moment ou jamais, il n'est pas question de rester à la maison, tu te portes volontaire. Et donc, il était là, le fils n'a même pas eu le choix. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de conscription dans les îles britanniques, il fallait être volontaire, mais beaucoup de jeunes gens, évidemment, l'ont été. Bien sûr. Sous la pression, notamment, familiale et de la patrie. Il vivait en Angleterre, et donc, et là, catastrophe, l'armée le réforme, en disant, mais vous n'y voyez rien. Si jamais vous perdez vos lunettes dans une tranchée, il faut quand même que vous sachiez que les tranchées en France, on sait déjà comment ça se passe, c'est un torrent de boue, de sang, d'eau, enfin, ça n'arrête jamais, et de fer. Et vous ne, si vous perdez vos lunettes, ou même si vous recevez des matières sur ces lunettes, comment voulez-vous mener un assaut ? Et donc, ils l'ont réformé. Et là, Kipling était effondré. Parce qu'il n'est pas question que l'homme qui a écrit « Tu seras un homme, mon fils », qui est un poème qui est placardé dans toutes les maisons d'Angleterre, et pas seulement, même ailleurs, en France et ailleurs, qui est un poème extrêmement célèbre, pas question que l'homme qui est le chantre de l'Empire britannique, son fils, reste à la maison, au village, pendant que toute sa génération est au feu. Donc, il demande à un de ses amis, qui est un colonel des Irish Guards, de le pistonner. Et de cela, il a évidemment, je parle de Kipling, payé un prix sinistre. Parce que dès le premier assaut, son fils n'est pas mort. Il est « missing in action », porté disparu. Ce qui a été le cas de très, très, très nombreux soldats britanniques. Enfin, il était mort néanmoins. Ah oui, mais pour Kipling, il n'était pas mort. Donc, quand on a dit à Kipling « votre fils est porté disparu », le lendemain, évidemment, tous les journaux ont parlé de ça en disant « le fils de Kipling est mort ». Il a envoyé une lettre pour faire un démenti, pour dire « non, il n'est pas mort, il est porté disparu, il peut être peut-être dans un hôpital allemand ». Il peut être peut-être dans un hôpital français. Il est peut-être prisonnier chez les Allemands. On ne sait pas. Et pendant 2 ans, il s'est acharné en disant « Tant qu'on ne retrouve pas une trace, quelque chose de lui, il n'est pas mort. » Il a interviewé tous les camarades de régiment de son fils qui étaient avec lui le jour de l'assaut. Il est retourné très exactement là où ça s'était passé, à Loos. Il a fouillé la terre. Il cherchait. Et alors, tous les camarades de régiment l'ont dit « Mais vous ne trouverez rien. » Parce que c'est de la bouillie, il n'y a même pas des os pour personne. Ce n'est que de la bouillie et même les plaques d'identification ont fondu. Donc, vous ne trouverez pas. Et pendant 2 ans, avec son chauffeur, qui l'a amené avec sa Rolls, ils ont fouillé, ils ont cherché partout. Ils connaissaient par cœur cette bataille, ils connaissaient par cœur le régiment. Et au bout de 2 ans, il a convenu, finalement, que son fils était mort. Et évidemment, même s'il n'en a jamais parlé à personne, même pas dans ses lettres ni ailleurs, mort par sa faute, à lui, alors que déjà, il était responsable, lui, Kipling, de la mort de sa fille aînée. Joséphine, quelques années avant. C'est-à-dire que quand ses enfants, il avait 3 enfants, étaient tout petits, un jour, il était invité à faire des conférences à New York, et il a dit, j'emmène la famille avec moi. Sauf que c'était en décembre, et sa propre mère, à Kipling, lui a dit, on n'emmène pas des tout petits sur un paquebot au mois de décembre dans une ville comme New York où il fait moins 10 degrés. Et évidemment, ils ont eu tous une pneumonie. Kipling a failli y passer, mais sa fille Joséphine est morte. Ils étaient partis à 5, ils sont revenus à 4. Et vous montrez dans le livre qu'il est constamment obsédé par la photographie de la petite fille. Il l'adorait et il a eu 3 enfants, 2 sont morts par sa faute. Comment ne pas se sentir coupable? Et c'est la question que j'ai creusée, qui m'a intéressée, c'est jusqu'où un père, un parent, est responsable du destin de son fils. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné le choix à son fils de choisir son destin. Il a choisi pour lui. Et cela, ça arrive encore aujourd'hui, bien évidemment. Alors quand nous nous interrogeons, comme nous venons de le faire au long de cette conversation, Pierre Assouline, sur l'éventuelle désuétude de Kipling, fait qu'il serait dépassé, le monde qu'il a connu et aimé de l'Empire britannique ayant été naufragé, il reste ce qui peut apparaître comme permanent, c'est-à-dire cette question des relations entre le père et le fils, qui continue aujourd'hui d'irriguer un grand nombre de romans. Un grand écrivain n'est jamais daté, parce qu'un grand écrivain accède à l'universel et à l'intemporel. Donc Kipling, bien entendu, par ses poèmes, évidemment certains sont très ancrés dans la guerre ou dans l'époque, et puis il faut quand même essayer, je ne dis pas d'oublier, mais de mettre de côté le Kipling impérialiste, conservateur, antisémite, etc. Non pas pour faire comme si ça n'existait pas, mais simplement parce que ça, c'est très daté. En revanche, il y a quelque chose d'universel et temporel dans ses contes, dans ses nouvelles, dans ses poèmes. Ça, il faut le conserver. Et ses rapports, la question de ses rapports avec ses enfants, la question de sa responsabilité et de sa culpabilité, ça reste évidemment actuel, bien entendu. Et bon, il est mort en 1936 d'un ulcère au duodénum, mais cet ulcère s'est déclenché le jour où l'armée lui a envoyé un télégramme disant « Votre fils est porté disparu ». Ce jour-là, il s'est tordu de douleur au sol en se tenant l'estomac. Et ça n'a jamais cessé. Il a souffert 1000 morts pendant des années parce qu'il ne savait pas ce que c'était, parce que les médecins anglais lui disaient « Vous êtes angoissé, ça va passer, etc. Buvez du lait, ça va colmater. » Jusqu'au jour où en 1935, début 36, il était à Paris, il était allé voir le docteur Roux, boulevard de Courcelles, qui lui a dit « Mais monsieur, vous avez un ulcère duodénal. Si vous continuez, vous allez avoir une perforation. » Et c'est ce qui s'est passé. Alors pour clore notre émission, Pierre Assouline, peut-être, et peut-être pour évoquer cette pérennité de l'œuvre de Kipling contre certains aspects tellement dépassés, Donnons-lui la parole pour une dernière fois. Je parle de son épitaphe, ce qu'il a souhaité voir inscrire sur sa tombe. Je vous la lis. « Si je vous ai donné quelque bonheur par une chose que j'ai faite, laissez-moi reposer en paix dans cette nuit qui bientôt sera vôtre. Et pendant ce temps si bref, où les morts restent dans la mémoire, ne cherchez pas réponse ailleurs que dans les livres que je laisse. » Moi, j'ajouterais le mot que, en tant que président de la commission des sépultures de guerre, chargé par le roi d'écrire sur la tombe de tous les soldats britanniques enterrés en France, un mot, il a fait écrire pour tous ceux qui étaient des disparus et qui n'étaient donc pas identifiés, mais qui étaient enterrés, connus de Dieu seul. Pierre Assouline, votre livre, votre roman, qui est aussi un livre d'histoire, j'ai le goût de le dire, s'intitule, je le rappelle, « Tu seras un homme, mon fils », et est paru il y a peu chez Gallimard. J'évoquais votre blog, La République des livres, très, très précieux, on trouve en ligne, et souvent vous y avez évoqué Kipling. Oui, parce que j'ai envie de le faire lire, bien entendu, et de faire connaître mieux les lecteurs français, mais pas uniquement le livre de la jungle. Qui reste magnifique. Mais il y a des histoires comme ça qui ont bercé notre enfant. La seule chose qui soit décevante, ce sont ses mémoires. Something of Myself, il n'y a pas grand-chose dedans. Vous les avez cités à un moment, mais il n'y a franchement pas grand-chose. Et ça, ça a déçu beaucoup de ses lecteurs. Mais enfin, c'est paru à titre posthume. On trouve rassemblé la majorité de ses œuvres de façon très précieuse dans 4 volumes de La Pléiade, une édition due à Pierre Coustilla, c'est à son équipe. Qui a commencé en 1988. Un travail remarquable. 2 biographies. Vous disiez qu'il y en a peu en français, mais nous avons celle d'un romancier argentin, Alberto Manguel. Kipling, une brève biographie. D'un portrait. D'un portrait. Un très joli portrait de quelqu'un, de son admirateur. Qui est paru aux Actes Sud en 2004. La première édition était de 1998. Et puis la biographie de Charles Zorgbib, que nous évoquions chemin faisant, Kipling, aux éditions De Fallois, en 2010. Plutôt politique, oui. Que littéraire. Très, très historique, très politique, très géopolitique, et très axé sur ses engagements, et surtout sur l'Angleterre de l'époque. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents que nous avons utilisés, et vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission, la conserver aussi longtemps que durera la gloire de Rudyard Kipling. Beaucoup de temps, j'imagine. Samedi prochain, vous allez voir, changement de décor. Mais encore que nous ne quittons pas la guerre. Nous parlerons de la bombe atomique, la guerre virtuelle. La bombe atomique, une stratégie française, avec Louis Gauthier. Nous sommes assez loin maintenant de la naissance de l'armement nucléaire français pour avoir un regard historique et qui peut éclairer beaucoup des enjeux actuels. Lundi matin, vous retrouverez à 9h l'émission de Xavier Mauduit, le cours de l'histoire, qui consacrera sa semaine à la question suivante. Les animaux et nous, histoire d'une relation. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son notre cher et fidèle Yves Lehors, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et Hervé Evano pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et comme chaque semaine, la documentation nous a fourni une très précieuse revue de presse. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.